ce satané crack, je pars en vrac, tu stresses, tu penses, tu trembles, il me semble, ta terreur terrible, macabre, ça m'accable, véritable, s'il n'est pas que du cartable, c'est une fable, gente dame, gentleman, j'entends mal, quoi moi pas animal, juste comme animaux, depuis marmot, c'est le drame, oh gars, ça va pas, je le lis, je le vois, toi dans les bois, là, vas-y, dis-moi, bah je crois la loi du plus fort, toi comme moi, ce qui appauvrit l'esprit, c'est l'or, je sors du lot, trop de corps à corps, je déplore, trop de types se disent le plus fort, souvent adolescents, également plus grands, différence non respectant, commençant, taillant, parlant malement, se sentant meilleur que les gens, se disant non aimant, mauvais entente, finissant méchamment, se battant, puis ramenant leur clan, flamboyant pense, débandant, quoi bon servant, adolescence mentalement éprouvante, la chance me plante, de temps en temps quand mes ententes commencent à comprendre entre deux grands dominants, il me semble qu'on se ressemble, non, voyant cette jeunesse, cette France, de plus en plus indifférente face à la violence, sinon me demandant, pensant, la souffrance, une enfance perturbant, finir méchant, génération roulement. Où nos tendresses bercent mon adolescence, à 19 ans je commence doucement, je m'embranle des gens, les cités sont jugées agitées, entassées, compressées, stressées, dépressions, son finition, dans street, ça trafic shit, weed, cocaïne et coquine, mon agilité, ma fragilité, franc et d'été, on me réunit aux amitiés compliquées, forte personnalité, déplorable, je vois que ça part en bagarre, pour un regard, dollar, coca, la maman voit dommage sur visage, eh mec, tout ça galère, similaire, ouais. Le même enfer dans les têtes, enfant aimant le charme des méchants, débrouille ma bouille, fouille, embrouille, je ne suis pas un modèle pour les petits frères, j'ai d'alcool et fou le bordel, j'ai trop traîné, je suis imprégné, tu parles excité, je refusais toute autorité, je suis qu'un homme, j'ai la haine, je déconne, faut que j'assume comme un bonhomme, au réveil, à peine j'arrive au petit déj, amère, j'ai déjà la haine, je pensais billet vert, source de problème, la maille, le charme, diable. Moi petit, je voulais grandir, j'ai un peu vieilli, je m'instruis grâce à ma famille, mes amis, j'ai compris, mûri, aussi passé par péripéties, j'ai différencié, corazón touché, les vrais, des faux amis, les cons ils sont partis, les bons ils sont restés, ouais, je me demande si les gens sont différents, indifférents, j'en parle en malement, ma story serait-elle de finir en zone prix, mon permis de vivre, vite, vivre, acteur, titre, mais donner la rue américaine à Eminem, il n'a jamais fait du salozel. Au lycée, des groupes se forment pour une nationalité. Une peau, y'a pas de race, c'est faux, y'a tout qui trouve. Faut pas plaire, plus de tabou. Péqué, j'écoutais des CD, obsédés, possédés. Des étrangers énervés sur la pauvreté et rejetés de la société. Et aussi des Français, ce n'est qu'une impression. Je me pose trop de questions. Mais d'où voudrais-je faire sensation avec ma drôle d'inspiration? Mais mon garçon, te faudrait-il 60 euros d'inhalation? Je décarcasse, carapace et fracasse.